de joie, nous l'avons chanté. Immunisé contre les forces sinistres, à un Irlandais qui s'obstinait à s'inviter. S'il ne doit pas venir, il ne viendra pas. T'ai-je dit? Avec le Christ, tu m'as soutenu dans ma